Confidence de femme par Paul Bourget. Cette conversation eut lieu par une admirable après-midi du mois de septembre sur la colline de Tresserve, bien connue de tous les Lamartiniens, car c'est là, sur ces pentes qui dominent le paisible lac du Bourget, que fut composée, dit-on, la plus célèbre élégie des méditations au lac. L'année à peine a fini sa carrière. Les deux femmes qui échangeaient ces propos étaient deux parisiennes en train d'achever une saison à Aix-les-Bains. Leur nom, fameux jadis dans les annales de l'élégance et, il faut l'avouer hélas, de la galanterie, ne sont plus guère mentionnés aujourd'hui que par de vieux habitués de cercle, eux-mêmes aussi casés que démodés. Cependant, on ne trouvera ici que leurs prénoms, quoique les deux aventures sentimentales qu'elles se contaient l'une à l'autre ce jour-là fussent certainement les plus innocentes de leur vie. Et voici ce que Mathilde, en 1880, la plus délicieuse et la plus fine des blondes, à présent si lourde et si flétrie, malgré les massages et les fards, avec les cheveux filasses qu'elle s'obstine à teindre, racontait à Diane, autrefois pareille à la déesse de ce nom, par la grâce svelte et fière de toute sa personne, son front et son profil de médaille sous le casque de ses bandeaux noirs. Toute blanche, aujourd'hui, toute courbée, elle chemine avec une canne, fantôme méconnaissable, elle aussi, de sa personne d'il y a 40 ans. Comme son amie, elle a résisté longtemps, et puis l'âge a été le plus fort. Elle a cessé de se défendre. Le plus fort, l'âge est toujours dans les faits. Il ne l'est pas toujours dans les cœurs. Les confidences de Mathilde ne le prouvaient que trop. Elle disait « Tu me demandais hier par qui j'étais le mieux aimé, et je ne t'ai pas répondu. Voici qu'en t'écoutant tout à l'heure, réciter les vers du lac, et dans ce paysage je pensais, comment le poète pouvait-il se plaindre, après avoir eu cette impression divine du sentiment partagé ? Moi je ne l'ai jamais eu. J'ai aimé, tu le sais, et à aucun moment je n'ai connu la joie d'inspirer à ceux que j'aimais la sorte d'amour dont je rêvais. Celui-ci adorait ma beauté, c'était ses sens qui me la servissaient. Mon âme, il ne la soupçonnait pas. Cet autre, c'était sa vanité qui faisait de lui le conquérant d'une femme à la mode. J'ai subi aussi la passion du jaloux, qui empoisonne la joie présente par l'acharnée et cruelle recherche d'un passé où il n'était rien. Pas un de ces souvenirs qui ne m'ait laissé un relent d'amertume. Ces vers de Lamartine, composés devant ce doux horizon, ces passionnés soupirs de l'amour heureux, autant suspend ton vol. Si tu savais comme ils me font mal, pas une minute où cette supplication d'immobiliser le bonheur n'a été vraie pour moi. » Il y eut un silence. Le vent secouait lentement les antiques tilleuls, dans l'ombre desquels Elvire souriait. Il y a plus d'un siècle, à son jeune amant. Le lac frémissait si bleu, si calme, dans sa coupe de montagne sauvagement découpée. « Alors, répondit Diane, il n'y a pas un visage d'homme dans ton passé que tu voudrais évoquer pour t'attendrir et y caresser ton cœur ?»« Si, répondit Mathilde, il y en a un, et tu vas sourire. Il est tout jeune, il pourrait être mon petit-fils, et je ne lui ai jamais parlé. » Et sur un geste de son ami, « Oh, ne crois pas qu'il y ait là même une ombre d'ombre de perversité sénile, mais tu vas juger. Tu n'étais pas à Paris cet hiver, quand s'est ouverte l'exposition des peintures de ce pauvre Foriel. Celui qui a fait de toi ce beau portrait que j'aimerais tant, s'il ne t'avait pas donné ses yeux si tristes. Si ses yeux avaient été gais, je n'aurais pas d'histoire à te raconter. J'avais donc prêté ce portrait aux organisateurs de cette exposition, en spécifiant que mon nom ne figurerait pas sur le catalogue, mais seulement ces mots, portrait d'une dame. Tu te rappelles, j'aimais si peu le regarder, ce portrait, que je l'ai relégué chez moi dans l'angle d'un petit salon, où je n'entre, pour ainsi dire, jamais. C'est déjà triste de se considérer chaque matin dans la glace, en se disant, comme la plus spirituelle de nos amies, dire que dans un an je regretterai cette gueule-là. Mais avoir devant soi le fantôme charmant de sa jeunesse, être obligé de se répéter « Ce fut moi, et c'est fini », se rappeler, devant ce témoin des années lointaines, toutes les espérances trompées, tous les élans brisés, tous les vœux déçus. L'horrible faillite de la vie, enfin, c'est trop dur. Aussi, avais-je laissé cette exposition inaugurée sans y mettre les pieds. Et puis un matin, je passais devant les Tuileries où elle se tenait. Un mouvement de curiosité que je ne m'explique pas me fit monter l'escalier qui mène à la terrasse du bord de l'eau et entrer dans la galerie sur le fronton de laquelle se lisait le nom du célèbre peintre au sujet duquel tu me taquinais. Et tu avais si tort. C'est peut-être un préjugé, mais je suis une grande bourgeoise et cette absence d'éducation première chez tant d'artistes, Fauriel était du nombre, m'a toujours trop déplu. D'ailleurs, il avait adopté le principe de ne jamais faire la cour à ses modèles. « Pour ne pas effaroucher les maris, » interrompit Diane. « Ah, l'habile commerçant, peut-être. » C'était le matin. Les visiteurs étaient clairsemés. Cette demi-solitude permettait de saisir d'un regard l'ensemble des tableaux, des portraits de femmes pour la plupart. Les uns remontaient à notre temps, et il y en avait de l'année dernière. Tu sais combien Fauriel a travaillé jusqu'à la fin, et combien il tenait à suivre la mode. Tu sais aussi, nous savons, comme cette mode a changé d'année en année, depuis l'époque où nous nous promenions, jeunes filles, avec nos épais chignons et nos tournures. Cette suite de portraits était pour moi l'évocation spectrale des 40 saisons qui nous ont faites les vieilles femmes que nous sommes. Et j'allais, reconnaissant des visages, ici d'amies mortes, là de rivales jadis enviées et détestées, ailleurs d'indifférentes. Fauriel a été le peintre de notre société, et cette galerie ressuscitait pour moi des centaines de dîners, de soirées, de parties de théâtre, où elle et moi nous avons figuré. Cette sensation du passé, cette fuite irréparable des heures que Lamartine éprouvait devant ce lac et sous ses tilleuls, ainsi, toujours poussée vers de nouveaux rivages. J'en frissonnais devant ses toilettes et ses visages immobilisés sur ses toiles, et j'allais, cherche ma propre image, mon portrait à moi. Je l'aperçus enfin à l'extrémité de la salle. Des visiteurs se tenaient devant, de jeunes gens, et j'attendais qu'ils s'éloignassent pour m'approcher moi-même. Ils restaient là, cependant, continuant de causer et commentant évidemment la peinture. Leurs gestes l'attestaient. La curiosité me fit m'approcher. « Ce sont les artistes, pensais-je, et qui discutent le talent de Fauriel. »« Et tu les as entendus ?» interrompit Diane, qui débignait le vieux maître. S'il y a une mode pour les robes et qui change tous les 10 ans, il y en a une aussi pour la peinture, le théâtre, la poésie, le roman, et qui va plus vite encore. Moi, à qui tu reproches de gommer la littérature, comme tu dis, je n'ose plus avouer que je pleure en lisant Sully Prudhomme, et que la Julia de Tricœur d'Octave Feuillet m'exalte encore. À quel barbouilleur impressionniste ces jeunes gens sacrifiaient-ils notre pauvre Fauriel, qui avait le tour de bien dessiner et de peindre élégant et juste? À personne, répondit Mathilde. Il ne parlait pas du peintre, il parlait du modèle. Il connaissait donc ton nom et comment? Il ne le connaissait pas. Et voici ce que disait l'un d'eux, un mince et frêle garçon de 22, 25 ans peut-être, pauvrement mis, les cheveux trop longs sous un chapeau mal brossé. Mais quel regard dans ses yeux bleus qui éclairaient un masque tourmenté aux traits si fins! Il disait donc à son camarade, plus lourd, moins exalté, qu'il écoutait en hochant la tête, « Je te répète que je suis amoureux de ce portrait. Depuis une semaine que cette exposition est ouverte, c'est 10 fois par jour que je viens regarder cette figure de femme. Je suis à travailler dans ma chambre, à causer ou à me promener au Luxembourg. Ce visage me revient, ce front, cette bouche, cette ligne des joues, ce regard. Et voilà que je quitte tout, stupidement, pour venir ici. » Ce regard surtout, qu'elle a dû être tendre, la femme de ces yeux-là, si délicate et fine, qu'il eût été enivrant d'être aimé d'elle et de l'aimer. Tu sais que je raffole de Chalet. Devant ses yeux, je me souviens de la promeneuse dont il parle dans son poème « La plante sensitive » et de ce vers divin. Ses pieds semblent avoir pitié de l'herbe qu'elle foulait. Être aimé de cette femme-là, quel bonheur ça a dû être. Jamais elle n'a dit une parole qui peut froisser le cœur de son amant. Il n'a jamais ressenti une peine, même la plus légère, qu'elle ne l'ait devinée si guérie. Ah, comme elle a su aimer, et moi, comme je l'aurais aimé. « Que tu es fou !» lui disait son ami. « Que je suis sage, répondait-il, de penser qu'il n'y a que cela de vrai au monde. Rencontrer la femme pour laquelle on a été créé, et qui a été créée pour nous, car il y en a une, et que nous cherchons toute notre vie, comme elle nous cherche. C'est elle que nous essayons d'aimer à travers toutes les autres, comme elle nous cherche nous, à travers tous ceux qu'elle essaie d'aimer. Et puis, si le sort a voulu, comme ici, et il montrait le portrait, qu'elle fut jeune, quand nous n'étions pas nés. « Es-tu fou, je te répète ?» lui répondait son ami. « Voyons, tu ne dois pas t'imaginer que tu n'aimeras jamais, parce que cette dame, dont tu ignores même le nom, avait ses 25 ans à l'époque où, toi et moi, nous étions comme le dieu de Renan, dans le devenir. Et lui ?»« On ne connaît pas sa vie par avance, » reprenait-il. « Quels événements traverserai-je ? Quelle passion ? Je l'ignore, mais j'en suis sûr, je n'oublierai jamais ce portrait. » Je suis venu hier avec mon Kodak pour en prendre un instantané. Ça n'a pas réussi comme je voudrais. J'étudie les effets de lumière dans cette salle pour avoir un meilleur cliché. Il tirait de sa poche une enveloppe et de cette enveloppe une mince petite feuille. Tu vois, c'est bien médiocre. Et c'est suffisant pour que le coup de foudre éprouvé devant ce visage, car ça a été un coup de foudre. Se prolonge des années, j'en suis sûr. Mais voilà quelqu'un que nous empêchons de voir. « Pardon, madame !» Et il s'effaçait devant moi. Il entraînait son compagnon, sans se douter de la tragédie que cette simple façon de s'en aller, après ses paroles, me représentait. Il ne m'avait pas reconnu, parce que je n'étais plus la femme de ce portrait, du moins par mes cheveux, par mes traits, par ma taille lourde. Et j'étais encore cette femme, là, par mon cœur, puisque ces paroles de cet inconnu me bouleversaient. Mes jambes tremblaient. Je dus m'appuyer de la main à la moulure qui courait au-dessous de mon portrait, et le gardien, se méprenant sur mon geste, s'approcha pour me dire « On ne touche pas aux peintures, madame !» Ce petit détail ridicule, et au moins cet avantage, qu'il me rendit mon sang-froid. Les deux jeunes gens, par bonheur, n'avaient ni entendu cette observation, ni remarqué mon geste. Ils s'éloignaient vers la sortie, en continuant de causer de moi, certainement. D'instinct, je les suivais. Mais déjà, leurs paroles ne m'arrivaient plus. Ils passaient la porte. Ils descendaient l'escalier. Ils étaient dans le jardin. Je les suivais toujours. Une bise froide et dure faisait pleuvoir autour d'eux les feuilles jaunies des arbres. L'amère sensation de l'automne, du temps qui fuit, de la vie qui s'en va, me navrait l'âme. Je me laissais tomber sur un banc et je regardais disparaître les deux silhouettes. Où était-il, ce jeune homme, qui venait de prononcer, en les adressant à mon fantôme, les paroles de tendresse que j'ai tant désiré entendre ? Je ne le saurai jamais. Pas plus qu'il ne saura à quelle personne il a cédé la place devant ce portrait. Et je souhaite que le hasard ne nous fasse jamais nous rencontrer, et qu'il conserve de moi, de la Mathilde d'autrefois, ce joli souvenir de songe, de même qu'il restera pour moi le souvenir du plus joli sentiment que j'ai inspiré. Je le vois, regardant ce petit cliché qu'il porte sur lui, précieusement, dans son enveloppe. Je suis sûr, au même moment sans doute, où je tire d'un petit coffret la feuille sur laquelle j'ai transcrit, en rentrant, chacun des mots que je lui ai entendu prononcer, pour écouter encore sa voix si prenante. C'est le dernier roman de mon existence. Le dernier. Et je crois bien que je devrais lire le seul. Les deux promeneuses se taisaient de nouveau. Le lac continuait de bleuir, les feuillages de frémir, les montagnes découpaient sur le ciel leurs lignes sinueuses. La solennité, à la fois grandiose et gracieuse, de cet horizon, mettait comme une ironie autour des confidences sentimentales qu'échangeaient les deux amis pour lesquels un paysage, en dépit du mot célèbre, n'avait jamais été un état de l'âme, mais seulement un décor autour des demi-joies et des demi-peines de leur vie artificielle. Tandis qu'elles marchaient ainsi, sans parler, un couple passa. Une très jeune et jolie femme accompagnée d'un très jeune homme qui lui parlait, avec une dureté dans la voix soulignée encore par son geste. Elle l'écoutait, la tête baissée, dans une attitude de bête traquée, sans lui répondre qu'à voix basse. Ils étaient si emportés par leur dispute qu'ils n'aperçurent les deux amis qu'au moment où ils arrivaient devant elle. Ils se turent, eux aussi, pour recommencer de se quereller quelques pas plus loin. Diane, qui les avait suivis des yeux, dit à Mathilde en se retournant. voilà certainement des amoureux. Et la manière dont cette pauvre petite regardait ce brutal personnage, pas de doute, pour moi du moins. Elle l'aime passionnément. Je vais te stupéfier, Mathilde. Je la comprends, cette fille, je la jalouse presque. Et toi, croirais-tu que je ne te comprends pas? Ou plutôt, je comprends que toi et moi, nous n'avons pas le cœur fait de même. Et je pense, après l'avoir entendu, qu'avec ces cœurs différents, nous aurons également tous deux manqué nos existences sentimentales. Tu as été pourtant bien aimé, toi, dit Mathilde d'une voix étonnée. J'ai encore dans l'oreille l'accent d'Edouard, quand il me racontait sa passion pour toi. Edouard, c'est vrai, il m'a bien aimé, mais comme tu aurais voulu être aimé, toi. Comme tu imagines que tu aurais aimé l'inconnu du portrait, avec dévotion, avec soumission. Et moi, ce que j'ai toujours rêvé de rencontrer, c'est un maître, quelqu'un qui me résista, qui me domina, qui me commanda. Je le répète, un maître, mon maître. Et dans les sentiments, dans les passions que j'ai inspirées, c'est moi qui ai toujours dominé, toujours commandé. Ma volonté a toujours eu raison de la volonté de mes amants. Tous, comme Édouard, ils m'ont toujours obéi. Cette obéissance, au lieu de m'attacher à eux, m'en détachait. Je ne te donne pas cette façon de sentir comme délicate ou généreuse. C'était la mienne. Et moi, dit Mathilde, qui ai tant envié la dévotion que je te voyais inspirer. Comme je viens d'envier, oh pas beaucoup, mais un peu tout de même, à cette pauvre petite femme, cet amant injurieux et tyrannique. Tu viens de me raconter, à propos de ton portrait, le seul roman de ta vie, dis-tu, où ton souvenir se complaise. Veux-tu que je te dise, à mon tour, non pas mon roman à moi, mais l'épisode auquel je pense, quand j'évoque la figure des hommes qui ont traversé mon existence et que je me dis « Quel est celui à l'image duquel je reviens avec un véritable regret ?» Cette histoire-ci, je m'en rends compte, n'est pas à mon éloge, à cause d'une certaine idée bien vilaine que j'ai eue à un moment. Je ne peux pas m'en repentir, cependant. Sans cette idée, cette aventure n'aurait pas eu lieu. Tu vas être choqué, car tu es plus pieuse que moi, qui ne l'étais pas du tout à cette époque. Promets-moi que tu ne me feras pas de morale. « Je te le promets, dit Mathilde, c'est donc bien grave. Non, mais il s'agit d'un prêtre. J'avais 35 ans alors, et je venais de rompre avec Alfred pour le motif que je te disais tout à l'heure. J'avais cru le trouver, ce maître, dont j'ai toujours rêvé, dans cet officier d'Afrique, si brave et si rude, auquel j'avais sacrifié le pauvre Édouard. Et tout de suite, j'en avais fait ma chose, un esclave qui avait devant moi comme un délire d'obéissance. Mes coquetteries avec d'autres, il les acceptait en gémissant, mais il les acceptait. Il avait, lui, 45 ans. « À mon âge, disait-il, vous êtes déjà si bonne de me supporter. » Tu te souviens que tu l'appelais mon sauvage dompté, si dompté que j'avais fini par le renvoyer dans son Algérie, désespéré de notre rupture, mais soumis. Cette liaison m'avait tellement lassé que je quittais Paris. Moi-même, nous étions en hiver, pour aller à Cannes. C'était alors, tu t'en souviens, une ville très différente de ce qu'elle est devenue. Un asile comblé, où s'abritaient les grands seigneurs de tous les pays, les Anglais surtout, et les Russes, désireux de repos, qui fuyaient le tumulte de Nice et de Monte-Carlo. Notre amie, Gabrielle de Candale, était l'une des reines de cette oasis de l'aristocratie cosmopolite. Tu te rappelles sa villa? Sur les pentes de cette colline si chaudement ensoleillée que l'on appelait la Californie. Il y avait dans son parc une chapelle, construite par le précédent propriétaire, pour un célèbre prédicateur, son cousin. Gabrielle était comme moi, très pieuse. Elle y faisait dire la messe, tantôt par un des abbés de la paroisse, tantôt par un ecclésiastique un peu souffrant qu'elle hospitalisait durant la saison froide. C'était le cas cette année. Le nom de ce prêtre ne te dirait rien. Si tu le permets, je l'appellerai simplement l'abbé Pierre. Il était jeune et sortait du séminaire depuis peu d'années. Secrétaire d'un évêque, son parent, il n'avait pas encore exercé le ministère. On racontait de lui qu'il avait voulu être missionnaire et que sa famille s'y opposait. Une mauvaise bronchite, attrapée en automne, nécessitait son séjour à Cannes. Et Gabriel, apparenté à sa mère, l'avait recueilli. Son masque tourmenté, sa voix profonde, l'arrière-fond brûlant de ses prunelles, révélait une âme passionnée, dont toute l'ardeur se tournait en dévotion. Je t'ai dit que je n'étais guère croyante, c'est-à-dire Aussi qu'à la chapelle de la villa, où j'allais le dimanche, la messe ne m'était qu'un spectacle. Et comment ne pas être intéressé, saisi, ému, par la ferveur avec laquelle l'abbé Pierre célébrait l'office? Sa face s'illuminait d'une flamme. Ses gestes devenaient augustes, tant ils étaient comme pénétrés d'âme. Les prières prononcées par lui étaient émouvantes, par la solennité tour à tour et l'imploration. Des prières pareilles, je n'en avais jamais entendues. Rendu aux occupations ordinaires de la vie, il devenait aussi simple que réservé. Quand on l'avait vu à l'autel, on se rendait compte qu'il y avait deux personnes dans son être, une extérieure et qu'il prêtait au monde, une intérieure et qu'il donnait tout entière à Dieu. Pourquoi la curiosité me vint-elle, ou la tentation, comme tu voudras, de voir si je pouvais troubler cet homme, si je serais plus forte que cette foi surnaturelle qui vivait en lui? Le hasard avait voulu qu'un jour j'arrivasse un peu plus tôt à la villa de Gabriel où elle m'avait donné rendez-vous. Je l'attendais, assise derrière un paravent, dans un coin du petit salon, et occupée à regarder un paysage aussi beau que celui-ci, la mer, les îles, la pointe de l'Estérel là-bas. Le bruit d'une porte ouverte me fait me retourner. J'aperçois l'abbé Pierre qui, lui, ne me voit pas. Il venait chercher une revue sur une petite table où se trouvait un album de photographies. « Ah !» dit Mathilde, « nous revoici dans une histoire de portrait. » En effet, le mien y figurait, dans cet album, sans la magie du pinceau de Fauviel. Comme j'avais donné cette photographie à Gabriel quelques jours auparavant, elle l'avait mise à la seule place restée libre à la fin. L'abbé Pierre l'ouvrait, cet album, ses doigts le feuilletaient rapidement, pour s'arrêter sur cette dernière page, celle de ma photographie. Il la regarda longuement. Une glace me permettait de saisir les expressions de son visage. Une femme ne s'y trompe pas. Un intérêt singulier l'immobilisait devant mon portrait. Ce n'était pas l'émotion tendre de ton amoureux, mais l'ardeur concentrée d'un homme subjugué par un charme qui le révoltait en même temps, car il referma le livre en le repoussant d'un brusque mouvement et il sortit de la pièce en crispant sa main sur la revue qu'il emportait. « Comme j'aurais voulu être là, quand vous vous êtes revus, reprit Mathilde en riant. As-tu dû être coquette? Je vais te raconter la fin de ton histoire. » Tu lui as fait toutes les avances. Ton habit était un vrai prêtre, sa foi était plus forte que le sentiment qu'il a peut-être eu pour toi, et c'est le motif du souvenir ému que tu lui conserves. Ai-je raison? À moitié, répondit Diane. Coquette, non, je ne l'ai pas été. Je te répète, j'étais curieuse. Ce sentiment dont tu parles, l'avait-il lui? C'est la première question que je me posais, mais sans rien faire ni pour l'exciter, ni pour l'encourager. Je remarquais bien qu'il n'était pas avec moi comme avec les autres. Tantôt, quand j'allais en visite chez Gabriel, il partait du salon presque tout de suite, sous un prétexte quelconque. Tantôt, il restait là, au contraire, presque immobile et parlant peu. Son attitude, pendant qu'il m'écoutait, me donnait l'idée que ma voix le remuait profondément. Quelquefois, je surprenais ses yeux posés sur moi avec une fixité singulière. Il les détournait d'autres fois, et il m'était impossible de rencontrer son regard. Quoiqu'il n'y ait jamais eu entre nous autre chose que des rapports distants de politesse mondaine, j'arrivais vite à la conviction qu'il m'aimait. Et ses silences, son évidente maîtrise de lui-même, ses réserves, firent naître en moi une envie passionnée, presque un besoin de lui arracher un aveu. Ce fut alors que je conçus un affreux projet qui te révoltera, j'en suis sûr, qui me révolte moi-même, à m'en souvenir. Quand je pense que je l'ai exécuté, tu vois la preuve que j'étais bien près de l'aimer aussi, quoique le fond de religion que j'ai gardé, malgré tout, se révolta là contre. Mais voici ce projet. Ne t'indigne pas trop. Tu te rappelles la visite de noces, la pièce de Dumas fils, dit Mathilde. Mais oui, j'ai tant regretté toujours de ne pas avoir vu Desclée jouer dans ce rôle de Lydie. Ça ne te rajeunirait pas, fit Diane. La pièce est de 1871. Mais elle a beau avoir pris de l'âge, elle est toujours vraie. Je connaissais assez la vie pour savoir que la découverte des galanteries d'une femme exerce une puissante attirance sur l'homme à travers une répulsion et que la jalousie est un aiguillon d'amour. J'imaginais donc un petit manège que je n'hésite pas à qualifier d'abominable. Profiter de la qualité de prêtre de l'abbé Pierre pour lui raconter mon aventure avec Alfred, et cela, encore une fois, c'est abominable, en confession. Cette idée me vint pour être entré dans une église de Cannes, lors d'un enterrement, et pour avoir vu le nom de l'abbé sur un des confessionnaux. Il remplaçait momentanément un vicaire de la paroisse empêché par la maladie. Une enquête auprès du sacristain m'apprit les jours et les heures où il confessait. Ce ne fut pas sans hésitation ni sans remords que je m'acheminai de nouveau vers l'église une après-midi où je savais qu'il serait là, et un peu avant l'heure donnée par le sacristain. Une femme, évidemment du peuple, se tenait agenouillée à côté du confessionnal, occupée sans doute à son examen de conscience. Elle était jeune, très belle, et semblait absorbée dans une prière douloureuse. J'imagine qu'elle aussi se préparait à faire au prêtre l'aveu d'une faute d'amour, mais avec une sincérité pieuse qui, malgré moi, me fit honte. J'allais renoncer à mon projet et quitter l'église, quand la vue de l'abbé Pierre lui-même, sortant de la sacristie et se dirigeant vers le confessionnal, me fit rester. Il avait passé devant moi sans me saluer, mais une subite rougeur était venue à ses joues. Il m'avait aperçu. Il entre dans le confessionnal. Je vois la jeune femme gagner un des agenouilloirs disposés sur un des deux côtés de la guérite. Je gagne l'autre moi-même. Le cliquetis de la planchette aménagée derrière la grille m'apprend que la confession de la pénitence commence, puis qu'elle est finie. Un autre cliquetis encore, et la grille derrière laquelle j'attendais est ouverte. À travers les interstices des croisillons, je distinguai le profil de l'abbé Pierre, pour deviner qu'il me reconnaît. Aucun frémissement ne contractait ses traits, tandis que je lui racontais mon roman, avec des formules de repentir qui, chose étrange, devenaient presque sincères. Tant j'étais ému à en évoquer, à en revivre ainsi les épisodes, et en même temps, comme un est double, j'observais avec une joie cruelle, ça, je dois l'avouer, que la voix de l'abbé s'étouffait un peu en me parlant. Il était pâle. Ses mains se joignaient dans un geste de prière dont je devinais la crispation douloureuse. Qu'il éprouva pour moi une passion combattue et d'autant plus ardente, ce geste seul le prouvait trop. Je l'écoutais, cependant, me dire les paroles qu'il devait me dire comme prêtre, et j'avais le sentiment qu'il se les disait aussi. Je n'en doutais plus quand, retiré dans un angle de l'église, cette confession terminée, je le vis sortir de la guérite. Il n'avait pas d'autre pénitente. Il alla s'agenouiller au maître-autel devant lequel une lampe allumée attestait la présence du Saint-Sacrement. Combien de temps demeura-t-il ainsi ? Je n'en sais rien. Devant cette fervente génuflexion et cette prière, un remords me saisit du jeu sacrilège auquel je venais de me livrer, et je sortis de l'église. Ce remords ne dura pas, et quand je m'habillai pour le soir, une curiosité plus dévorante encore me possédait de nouveau. Quelle allait être l'attitude de ma victime, car j'étais bien certaine de lui avoir fait mal. Je dînais à la Villa Candel, et l'abbé Pierre serait là. Il n'y était pas. Quel indice plus grave pouvais-je avoir du trouble où je l'avais jeté que cette absence ? Notre abbé est un peu souffrant, ce soir, me dit Gabriel. Ça ne sera rien, j'espère. Il s'est excusé par un mot qui m'inquiète un peu tout de même. J'en trouve l'écriture tremblée et il demande qu'on le laisse reposer seul dans sa chambre et qu'on ne dérange pas le docteur. Tu te rappelles qu'à Cannes, un des grands plaisirs était de sortir le matin, quand il faisait un temps de croisette, comme nous disions d'après le nom de la promenade, où nous allions jouir du soleil, de la mer et aussi des commérages échangés au bruit des vagues bleues. Le lendemain donc de ma peu orthodoxe confession, une curiosité de plus en plus perverse m'avait poussé jusqu'à la porte de la villa pour avoir des nouvelles de l'abbé Pierre. Aurais-je osé cette démarche ? Forse que si, forse que no, peut-être que oui, peut-être que non. Comme dit un romancier que j'aime, parce qu'il a eu sans cesse l'idée de la domination de l'amour. Elle me fut évitée par la rencontre de Gabriel en train de se promener elle aussi. « J'arrive de la gare, me dit-elle. Imagine-toi que je viens d'embarquer mon abbé. Qu'est-ce qui lui a passé par la tête ? Je ne sais pas. » Je l'ai envoyé prendre de ses nouvelles, craignant qu'il ne fût plus malade. On me remet un billet de lui où il me demande de le recevoir, parce qu'il rentre à Paris et qu'il prend le train de 10 heures. Stupeur, comme tu penses, et la cause de ce départ, sa volonté définitive de se faire missionnaire. Tu te souviens que sa famille s'y opposait. Il a si peu de santé. Je voyais bien que, depuis quelque temps, il n'était pas tout à fait le même. Quelque chose le rongeait. C'était cela, évidemment. Tout de même, ce départ subi, sans conversation préalable, sans avoir retenu son billet de chemin de fer. Enfin, un coup de tête dans une affaire si grave qui engage toute la vie, avoue que c'est à n'y rien comprendre. Je comprenais trop bien, moi. Mon abominable ruse avait réussi. Si le prêtre avait eu raison de l'homme, dans cette guérite du confessionnal, où je lui avais raconté, pour exaspérer la passion dominée chez lui, mon aventure avec un autre, l'émotion ressentie lui avait éclairé son propre cœur. Il avait eu la force de me fuir pour se fuir. « Et tu ne l'as jamais revu ?» interrogea Mathilde. « Jamais. Il est entré aux missions, comme il avait dit, et c'est encore par Gabriel de Grandal que j'ai appris qu'il était mort en Chine, sans se douter que je lui gardais un souvenir dont je viens de te donner la preuve. Je ne sais pas si je l'ai aimé, moi aussi, mais je sais que, de tous les hommes qui m'ont aimé, il est le seul dont la pensée ne me fasse pas pousser ce cri qui termine cette visite de noces dont tu parlas. Tu te rappelles, quand Lydie agite son mouchoir, comme pour chasser le mauvais air et s'essuie la bouche en disant « Pouah !» C'est que ce jour-là, ce maître que je cherchais, j'ai senti que je l'avais rencontré. Les deux promeneuses se taisaient de réchef. La fine et tiède lumière de septembre continuait de les envelopper. Elles regardaient le lac et les montagnes. Mais les voyaient-elles ? « C'est tout de même invraisemblable, » finit par dire Mathilde, « qu'après avoir vécu comme nous avons vécu, nous ne gardions chacune dans notre mémoire qu'un regret, et que ce regret soit celui d'un rêve. « C'est peut-être, » fit Diane, « qu'il n'y a que cela de réel dans la vie du cœur, le rêve. » C'était « Confidence de femme » par Paul Bourget.